Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Je m'appelle Hélène Keller. Ce que vous entendez, c'est ma voix. Enfin, celle qu'il y a dans ma tête. Je suis aveugle et sourde. Et parce que je suis sourde, j'ai aussi longtemps été muette. Au début, dans ma vie, il n'y avait que les ténèbres. Je ne vois rien. Enfin si, des sortes de taches dans du sombre. Je n'entends rien. Vraiment rien. Ce que Laure va vous raconter, c'est l'histoire de ma vie. Je suis née le 27 juin 1880 aux États-Unis. Je suis vive, impétueuse, un brin colérique, c'est vrai, mais je ne suis pas une poule mouillée. Alors ça non, c'est même le contraire. J'ai écrit 12 livres, j'ai donné des conférences, je suis montée sur scène. Toute ma vie, je me suis battue pour défendre les droits des malvoyants et des non-voyants. Je suis la première personne avec un handicap qui a réussi à obtenir un diplôme à l'université. Je m'appelle Hélène Keller et voici, youpi, mon odyssée. Merci Hélène, je prends la suite. Dans le sud-est des États-Unis, il y a un état qui s'appelle l'Alabama. Et dans le nord de l'Alabama, près de la rivière Tennessee, la petite ville de Tuscumbia. Si on remonte la rue principale en marchant, disons, une demi-heure, on arrive devant une maison de bois blanc, cachée au milieu des bois, la maison de la famille Keller. Quelle heure est-il? Oh ben, je ne sais pas, j'ai pas de montre. Pour le moment, c'est très calme. Mais dans quelques instants, crois-moi, va y avoir du grabuge. Dans 20 petites secondes, une pomme va tomber dans la main de Madame Keller avant de rouler sur le sol. Puis, Madame Keller va se tordre de douleur. Elle est enceinte et pétard, le bébé arrive. 5, 4, 3, 2... Et voilà, qu'est-ce que je disais? L'enfant qui vient de naître est une petite fille. Ses parents l'appellent... Hélène, c'est un cadeau du ciel. La petite est tonique et sacrément précoce. À 6 mois, elle prononce son premier mot. À 1 an tout juste, elle marche. Elle est curieuse, volontaire. Elle va, elle vient. Wouhou ! Elle profite de la vie. Elle aime les rayons du soleil, le matin, vif, blanc, qui éblouissent. Le vert tendre des feuilles, les coccinelles rouges. Ah, les roses. Et le chien qui aboie. Et puis, elle tombe malade. À l'âge de 19 mois, Hélène attrape la scarlatine. La fièvre envahit son corps. Il va falloir être courageuse. Madame, votre enfant va mourir. Annonce le médecin. Mourir? Pétard, il la connaît pas celui-là. La petite se bat, elle survit. Elle guérit. Elle guérit, oui. Mais elle perd pour toujours l'usage de ses yeux et de ses oreilles. Hélène entre dans les ténèbres. C'est un choc violent, terrible. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Où est passé le soleil? Et la voix de sa mère? Pourquoi elle ne l'entend plus? Lorsqu'elle marche, elle tombe. La maison est devenue un territoire inconnu, plein de pièges dangereux qui la blessent, l'écorchent, la piquent. Peu à peu, elle s'habitue. Au silence. À l'obscurité. Hélène finit par oublier le temps d'avant les ténèbres. Elle grandit. Privée de ses oreilles et de ses yeux, vaille que vaille, elle se débrouille. Elle se fait comprendre grâce à des gestes. Elle hoche la tête pour dire oui, elle la tourne de gauche à droite pour dire non. Quant à la faim, elle fait semblant de couper du pain. Hélène étudie les humains, les objets, du bout des doigts. Ses mains sont ses guides. Elles savent orienter, trouver, reconnaître. En tâtant les vêtements que porte sa mère, elle arrive à deviner quand elle s'apprête à sortir. À part ça, Hélène adore être dehors, dans le jardin. Des heures durant, elle court dans les herbes hautes à la recherche de grosses pintades. Guidée par leurs seules odeurs, elle trouve toujours les premières violettes et le muguet. Elle éprouve le monde avec son corps et ses sens. Ce qu'elle goûte, ce qu'elle sent, ce qu'elle touche. Chaque fois, c'est intense, surprenant, ça jaillit, ça éclate, comme un gros cotonnerre, là, entre ses mains, ses narines. Parce qu'elle n'entend aucun son, Hélène ne peut pas apprendre à parler comme les autres enfants. Sa voix vibre bien dans ses cordes vocales, mais elle ne sait pas comment former les mots. Elle soupire, elle grogne, elle pousse parfois de drôles de cris. Une après-midi, elle s'assoit entre sa mère et son père. Elle pose ses mains sur leur visage. Elle caresse les fronts, les paupières, les nez et enfin les lèvres. Elle remue, mais pourquoi remue-t-elle? Et pourquoi une bouche après l'autre? Hélène réalise ce jour-là que ses parents ne communiquent pas comme elle. En faisant des gestes. Ça la frappe tout à coup. Elle est différente. Et là, ça monte. La tempête. De plus en plus souvent, des colères immenses, terribles, l'agitent. Hélène est dévorée. Ça brûle. Elle sent bondir en elle une force qui pousse, qui tambourine, qui veut. Qui veut quoi, au juste? Eh bien, exprimer, dire. L'inquiétude, l'agitation, la joie, la peine, tout. Elle sent que quelque chose d'immense lui échappe. Hélène devient alors brutale, tyrannique. Pleine de rage, elle jette, elle casse. Elle donne des coups de poing dans le ventre du chien. Un jour, elle tente de se glisser dans les bras de sa mère. Mais une autre enfant a pris sa place. Une petite sœur qui s'appelle Mildred. Le soir, Hélène tourne autour du berceau. Elle tente de le renverser. Ses parents sont inquiets. Qu'est-ce qu'Hélène peut attendre de la vie? Toute son existence sera un océan de malheur. Désemparée, il lui passe toutes ses colères. Comment aider leur fille? Le célèbre professeur Bell leur donne un précieux conseil. Nous sommes le 3 mars 1887. Dans 3 mois exactement, la petite aura 7 ans. Attirée par les premiers rayons du soleil, elle joue dans le jardin. Ses mains glissent sur la vigne et le chèvrefeuille. Soudain, le sol se met à vibrer. Quelque chose est à l'approche. Quelque chose ou... peut-être quelqu'un? Oui, c'est ça! C'est une personne, une adulte qu'elle ne connaît pas, et qui la prend tout à coup dans ses bras. Hélène vient de rencontrer Miss Anne Sullivan. Elle a 20 ans, elle porte des lunettes noires, elle n'est pas aveugle, comme Hélène, mais malvoyante. Tout juste diplômée de l'Institut Perkins pour les aveugles, elle est sa nouvelle professeure. Miss Sullivan ne perd pas de temps. Quelques heures après son arrivée, elle offre à son élève une poupée de porcelaine, puis, du bout des doigts, elle trace dans la main de l'enfant des signes, les caractères du mot « poupée ». Hélène prend ça pour un jeu et répète à son tour l'opération jusqu'à connaître tous les signes par cœur. Sans s'en rendre compte, elle commence à apprendre. Quoi ? L'alphabet manuel qui lui permettra d'épeler du bout des doigts des mots. Le lendemain, tout le monde est à table pour le petit déjeuner. Hélène, comme à son habitude, se tient très mal. Elle court autour de la table en piquant ce qu'elle veut dans les assiettes. Lorsqu'elle s'approche des œufs brouillés de Miss Sullivan, celle-ci lui donne une tape. Non ! De colère, la petite se roule par terre. Miss Sullivan ne se laisse pas impressionner. Ça suffit ! Elle secoue l'enfant, puis elle l'assoit sur une chaise en lui mettant une cuillère entre les mains. Hélène la jette aussitôt en grognant. La jeune femme tient bon, malgré les regards scandalisés des parents. Pourquoi affliger cette pauvre petite ? Demande la mère. Hélène est capable de tellement plus que ce que vous croyez. Les jours suivants, Miss Sullivan poursuit avec Hélène le jeu des mains. Pomme, chaise, table, elle épelle dans sa paume tout un tas de nouveaux mots. Amusée et curieuse, la petite les apprend tous par cœur avec une rapidité exceptionnelle, mais elle ne fait pas encore le lien entre ses signes et les choses. Miss Sullivan continue. Elle place une tasse remplie d'eau dans la main d'Hélène, puis, après avoir plongé son doigt dans le liquide, elle épelle dans sa paume « E, A, U ». Ça, c'est de l'eau. E, A, U. Hélène ne comprend toujours pas. Alors Miss Sullivan recommence, et recommence, et recommence, et recommence, et recommence encore, ce qui finit par énerver Hélène, qui, de rage, jette la tasse par terre. Bon, il est temps de changer de méthode. Miss Sullivan ouvre la porte. Hélène bondit de joie. Yahoo ! C'est parti pour une excursion dans le jardin. Arrivée tout au fond, devant le puits, Miss Sullivan plonge la main droite d'Hélène dans l'eau et dans la gauche, elle écrit « Eau ». Soudain, Hélène se tend. Un frisson parcourt son corps. Elle a compris. E, A, U, O. C'est donc comme ça que ça s'appelle ? A, U, A, E, U, O, U, E, A. Immédiatement, elle répète les signes dans la paume d'Anne Sullivan. Pour la première fois de sa vie, Hélène parle à quelqu'un. Sans son, évidemment, mais c'est tout comme. Elle jubile ! Ce soir-là, Anne Sullivan s'endort. La tête remplie de merveilles. Hélène aura une vie. Sa vie. Plus personne ne l'appellera pauvre petite. Les semaines suivantes, Hélène est en transe. Elle veut tout connaître. C'est fou. Ce que je touche, ce que je sens, ce qui pique, ce qui est doux. Tout cela porte un nom. Chaque jour, elle apprend de nouveaux mots. Père, mère, sœur, institutrice, amie. Et avec ces nouveaux mots arrivent de nouveaux sentiments. Une douceur qu'elle ne connaissait pas vient se lever, là, dans son cœur. La professeure et l'élève ne s'arrêtent pas là. On peut encore aller plus loin. Hélène apprend à écrire et à lire en braille. Sur des fiches cartonnées, elle déchiffre, du bout des doigts, des petits points en relief qui forment des mots, des phrases. En mai 1887, à presque 8 ans, elle lit son tout premier livre. Hélène passe désormais tous ses hivers à l'Institut Perkins, à Boston. Là-bas, elle rencontre d'autres enfants, sourds et non-voyants. Elle explose de joie. Sa curiosité n'a pas de limite. Les questions dans sa tête se bousculent. Toutes, elle les écrit sur une tablette afin que Miss Sullivan y réponde. D'où suis-je venue ? Où irai-je quand je mourrai ? Qui a fait la terre, les mers et toutes les choses ? Hélène est d'une très grande intelligence. En fait, elle est bien plus intelligente que la plupart des enfants de son âge. Elle adore les études. Elle veut aller loin, le plus loin possible. Son rêve ? Se mesurer aux étudiants qui voient et qui entendent. Elle veut entrer à Harvard, l'une des plus prestigieuses universités américaines. Et tu sais quoi ? Elle réussit ! En 1904, à l'âge de 24 ans, elle obtient sa licence de lettres haut la main. Ce jour-là, je crois bien que j'ai pleuré. J'étais folle de joie et sacrément fière. Moi, qu'on destinait enfant à une vie de malheur, grâce à l'aide et l'amitié de Miss Sullivan, j'ai finalement dévoré le monde. Derrière cet épisode des Odyssées, il y a Fanny Leroy, Cécile Lafont, Benjamin Orgeret et moi, Laure Grand-Besançon. Hélène a également appris à oraliser. Elle a appris à moduler sa voix afin de produire des syllabes et des mots. Tu vas entendre un enregistrement de sa voix. Tu ne vas peut-être pas tout comprendre car elle s'exprime en anglais, mais je traduis juste après. It is not blindness or deafness that brings me my death. It is the attitude disappointment in not being able to speak normally. But from this sorrow from experience, I understand more fully than the channel and the infinite. Ce n'est pas le fait d'être aveugle ou sourde qui m'ont rendu le plus triste. C'est le fait de ne pas arriver à parler normalement. Je ressens avec nostalgie tout le bien que j'aurais pu faire si seulement j'avais pu acquérir une parole normale. Mais cette expérience douloureuse me permet de mieux comprendre tous les efforts humains, les ambitions contrariées et l'infinie capacité d'espoir.